إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons إن شاء الله تعالى l'explication de ce fabuleux livre qui s'appelle من كنوز القرآن الكريم لشيخنا عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. Donc en fait aujourd'hui on va entamer la dernière partie de l'explication de Sourate Al-Fatiha, sachant en fait qu'on a expliqué tous les versets un par un et qu'il reste certaines questions qui sont en relation avec la jurisprudence que nous allons en fait exposer, et aussi certaines questions qui sont aussi en relation avec la croyance. Le Cheikh nous dit en fait que Sourate Al-Fatiha, comme on a vu tout le long de l'explication, comprend en fait les différentes catégories du Tawhid, les différentes catégories de l'unicité. Et donc, comme on avait vu, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, Tawhid ar-Rububiyyah, l'unicité d'Allah Azzawajal dans son adoration, Tawhid al-Uluhiyyah ou Tawhid al-Ibadah. Et ensuite la dernière catégorie qui est Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité d'Allah Azzawajal dans ses noms et ses attributs. Le Cheikh en fait il nous explique que certains savants divisent le Tawhid en trois catégories. Et certains savants divisent, eux, le Tawhid en deux catégories. Qu'entre ces deux divisions, il n'y a pas en fait de différence ou de divergence. C'est une question tout simplement de taqsim, c'est-à-dire une question de division des catégories du Tawhid. Donc ceux en fait qui disent que le Tawhid il est de deux catégories, ils disent que ça s'appelle, certains savants disent que ça s'appelle Tawhid ou At-Tawhid ou Tawhid fil ma'rifati wal ithbat. Fil ma'rifati wal ithbat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait l'unicité dans quoi? Dans la connaissance et l'attestation. Et d'autres savants appellent ça At-Tawhid al-ilmi al-khabari. At-Tawhid al-ilmi wal-khabari. Donc on voit encore ici qu'il apparaît le terme al-ilmi qui est en relation donc avec la science, et al-khabari qui est en relation avec l'information. Pourquoi en fait? Pourquoi on dit en fait que ce tawhid là, ça s'appelle tawhid al-ma'rifa wal-ithbat ou tawhid al-ilmi wal-khabari? Tout simplement parce qu'il contient en fait des informations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une science qui nous est donnée et que l'on doit et que l'on acquérit en fait tout simplement en lisant le Coran et en lisant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à titre d'information. Et cette information là, nous devons l'accepter et nous devons y croire d'une croyance ferme. Donc c'est pour ça qu'on appelle Tawhid al-Ma'rifa wal-Ithbat, c'est-à-dire Nuthbit, c'est-à-dire nous attestons et nous croyons cette catégorie du Tawhid. Et en fait elle comprend, donc si on revient maintenant au Taqsim, c'est-à-dire à la division précédente, elle comprend en fait cette catégorie-là, deux catégories qui sont en fait Tawhid al-Rububiyyah ou Tawhid al-Asma wa Sifat. Tawhid al-Rububiyyah ou Tawhid al-Asma wa Sifat. Et pourquoi ça? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous informe dans cette catégorie de Tawhid, il nous informe en fait sa souveraineté. Il nous informe en fait, comme on avait vu et comme on avait expliqué qu'est-ce qu'était le Tawhid al-Rububiyyah, il nous informe de façon générale ses actes. Ses actes. Et, fi Tawhid al-Asma wa Sifat, Allah Azza wa Jal nous informe de quoi? Nous informe en fait de ses noms et ses attributs. Il nous informe, c'est une information. Tawhid al-Khabari. Al-Khabari wa Tawhid al-Ma'rifa, c'est-à-dire que nous maintenant, nous allons connaître à travers bin-naql, c'est-à-dire à travers al-Nusus, à travers le Coran, à travers la Sunna, nous allons connaître en fait les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et nous allons connaître les quoi? Nous allons connaître également les actes d'Allah Azza wa Jal, et nous allons connaître, comme va nous le préciser le Shir, c'est-à-dire qu'il va revenir lui en fait au niveau de l'explication à une parole de Ibn Abil Izz al-Hanafi, qui a expliqué en fait Kitab al-Aqidat al-Tahawiyya, qui lui-même a expliqué la profession de foi de l'imam al-Tahawi, et qu'on connaît tous par le nom Sharh al-Aqidat al-Tahawiyya. Fayaqul, Ibn Abi al-Izz yaqul thumma at-tawhid alladhi da'at ilayhi rasulullah wa nazalat bi kutubuh naw'an tawhid fi al-ithbat wal ma'rifa wa tawhid fi al-talab wal qasd. Donc maintenant on voit la deuxième catégorie du tawhid. Donc eux ils ont dit c'est seulement deux catégories. Et la deuxième catégorie elle nous est fait part ici par le shir. Tawhid fi al-talab wal qasd, c'est-à-dire l'unicité dans la demande et la volonté. Pourquoi on dit tawhid fi al-talab qui est la demande ou le qasd, la volonté? Tout simplement parce que ce tawhid là c'est en fait le tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya. Et comme on avait vu la dernière fois, on avait expliqué en fait que ce tawhid là il s'adresse en fait à l'acte de qui? L'acte des personnes. Ce sont en fait les gens, ce sont les adorateurs qui vont en fait concrétiser cette adoration. Pourquoi? Parce que c'est par leur acte d'adoration qu'ils vont concrétiser ce tawhid, qui vont concrétiser quoi? Cette unicité. Donc c'est pour ça qu'on appelle tawhid al-talab, tawhid al-talabi ou al-qasdi, et certains disent tawhid al-talabi ou al-iradi. Donc ce sont des termes qui reviennent tous à la même notion, qui est la notion de demande et de volonté, tout simplement parce qu'Allah Azzawajal demande à ses adorateurs ou demande aux gens de façon générale qu'ils l'adorent. Il leur demande qu'il l'adore et ne lui associe rien du tout. Ça, c'est tawhid al-uluhiyya. Et de par, en fait, leur volonté, les gens, en fait, fi qasdihim, dans leur volonté, ils vont, en fait, adorer Allah Azzawajal sans rien lui associer. Donc, ça revient, en fait, à quoi? À leur acte, à eux. C'est pour ça, donc, en fait, c'est une demande. Dans le premier temps, on a vu que c'est l'ifbat ou al-ma'rifa, c'est-à-dire connaître et attester les noms et les attributs d'Allah et la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le deuxième, on nous demande en fait une action. Cette action-là, c'est d'adorer Allah azawajal lui seul, sans rien lui associer. Donc c'est pour ça qu'on appelle tawhid al-talabi wal-iradi, ou tawhid fi al-talab wal-qasd, comme nous le cite ici l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Ensuite, il va expliquer tout simplement. Donc le shir nous cite, et ça nous permet en fait de revenir sur l'explication de ces trois catégories. Donc maintenant on a bien compris, ceux qui ont dit les trois catégories, ça c'est connu, on l'a déjà répété, et ceux qui ont dit deux catégories, dans une catégorie ils ont fait rentrer en fait tawhid al-rububiyya wa tawhid al-asma'i wa sifat, alors que l'autre tawhid al-iradi wa tawhid al-talabi, tawhid al-iradi wa talabi, c'est en fait tawhid al-uluhiyya. C'est en fait cette appellation, elle revient à cette notion que l'on vient d'expliquer. Il nous dit le shaykh, fal-awwal wa ithbat haqiqati dhati ar-rabb ta'ala wa sifati wa af'ali wa asma'ihi laysa kamithli shay fi dhalika kulli كما أخبره بي عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول الحديد والطه وآخر الحشر. Et ensuite il a cité plusieurs versets. C'est-à-dire le shir tout simplement il nous dit que cette première catégorie توحيد الإثبات والمعرفة أو توحيد في الإثبات والمعرفة وإثبات حقيقة ذات الله ذات الرب, c'est-à-dire attester la vérité de l'entité d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire reconnaître qu'Allah Azzawajal, il a une entité. Et que cette entité-là, comme il nous dit donc après, et comme on l'a expliqué lorsqu'on a expliqué en fait Surat al-Fatiha, c'est donc attester sans faire de ressemblance entre la créature et le créateur. Donc ça, on l'a expliqué. C'est pour ça le cheikh qui nous dit, donc dans un premier temps, c'est ifbat dhatillah. C'est-à-dire reconnaître et attester qu'Allah Azzawajal a bien une entité, que cette entité-là n'est pas comme l'entité des créatures, qu'elle est différente et que rien ne ressemble à Allah Azzawajal de par son entité. Il nous dit aussi le shirk, wa sifati wa af'ali wa asma'i, c'est-à-dire ses attributs, ses actes et aussi ses noms. Ses attributs, ses actes et aussi ses noms. Donc ce qui va entrer fi tawhid al-an al-asma' wa sifat, tawhid al-asma' wa sifat al-dhat wa sifat wal-asma. Et ce qui va entrer fi tawhid al-rububiyya al-af'al, parce qu'on avait dit, on avait vu que c'était ifradullah bi af'alihi. Ça c'est en fait une définition qui est plus que générale pour en fait pour définir tawhid al-rububiyya, qui revient en fait à attester qu'Allah Azzawajal est le seul dans ses actes, qu'il est lui seul à faire ses actes et qu'il n'a pas d'associé dans l'exécution de ces actes-là, qu'il est le seul à se qualifier par ses actes qui lui sont propres et dont personne ne ressemble à lui dans ses actes. Et donc il nous dit que le Coran, c'est-à-dire le Coran, a fait apparaître, Afsaha a fait apparaître et a fait briller en fait cette catégorie du tawhid de manière des plus apparentes, d'une manière très très apparente. Et ensuite, il nous a cité les exemples par rapport à cela. Ensuite, donc, il vient maintenant à la deuxième catégorie, wa yaqul wa thani wa tawhid at-talab wal qasd. Et ensuite, il va nous citer certains versets comme qul ya ayyuhal kafirun surat al-kafirun wa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'i baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah. Ensuite, donc, il nous cite par rapport à cela les versets. Il nous cite par rapport à cela les versets qui comprennent en fait quoi ? Qui comprennent Tawhid al-Uluhiyya, qui comprennent le Tawhid al-Talab wal-Qasd. Et on voit ici que, comme dans la surat ou dans le verset قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. On voit ici qu'Allah Azza wa Jal appelle ou qu'il dit à son prophète d'appeler les gens du livre, les juifs et les chrétiens, à une parole qui va être en fait, qui va être commune entre vous et entre nous, ou entre nous et entre vous. Et qu'est-ce que c'est de n'adorer que Allah. C'est de n'adorer que Allah. Donc c'est Tawhid al-Uluhiyya. Donc c'est en fait une demande qui est faite aux hommes. Une demande qui est faite aux hommes de façon générale, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens. Une demande qui est faite, et cette demande-là est quoi ? On leur demande qu'ils adorent Allah Azzawajal sans rien lui associer. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Ada, Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid fi talab wal-qasd. Et ensuite, il nous explique le Shia rahmatullah alayh que en fait le Coran, et ça en fait c'est quelque chose qui est fondamental à connaître et à savoir. Il nous explique le Shia rahmatullah alayh qu'en fait le Coran, il contient ces deux catégories de Tawhid. Ou ces trois catégories, comme vous voulez. Il nous dit, même toutes les sourates du Coran contiennent en fait, soit, donc c'est à partir de là, il va le détailler. Il dit, soit, imma khabar anillahi wa asma'i wa sifati wa af'ali, c'est-à-dire une information de qui ? D'Allah Azzawajal, de ses noms, de ses attributs et de ses actes. Fawat tawhid al-ilmi wa al-khabari. Donc on voit ici qu'il reprend le terme tawhid al-ilmi al-khabari, c'est-à-dire le tawhid de la connaissance et de l'information. Et on a expliqué pourquoi. Donc ça c'est soit les versets ou soit les sourates comprennent en fait cette catégorie. Ou la deuxième catégorie, comme il y a pour le shir, wa imma da'watu ila ibadati wahda la sharika lah wa khal'i ma yu'badu min duni fawat tawhid al-iradi al-talabi. Donc on voit ici qu'il reprend en fait l'expression al-tawhid al-iradi al-talabi, c'est-à-dire le tawhid qui est en fait en relation avec la demande et qui est en relation avec la volonté, l'irada, qui vient du terme l'irada wa at-talab, tayyib. Et donc il nous dit, donc c'est en fait l'appel à l'adoration d'Allah Azzawajal lui seul, et de se détacher de tout ce qu'on adore en dehors de lui, de se détacher de tout ce qu'on adore en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'ati fa dhalika min huquq at-tawhid wa mukammilatihi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ou soit une obligation ou une interdiction. Une obligation ou une interdiction. Ou conformer à son obéissance. Donc il nous dit que ça en fait ça fait partie des droits du tawhid, min huquq at-tawhid. Ça fait partie des droits du tawhid et des compléments du tawhid. Ça vient en fait, ça rentre dans les droits du tawhid et ce qui vient compléter le tawhid. Donc ça c'est la deuxième chose, ou on va dire la troisième chose. Et ensuite, wa imma khabarun an ikramihi li ahli tawhidihi wa ma fa'ala bihim fi dunya wa ma yukrimum bihi fi l'akhirah. C'est-à-dire soit le Coran ou les sourates vont en fait nous informer des gens du tawhid, des gens du tawhid, et ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait pour eux, ce qu'il leur a donné dans cette vie d'ici-bas et ce qu'il va leur donner et l'honneur qu'il va leur faire, comment il va les honorer dans l'au-delà. Fahuwa jaza'u tawhidi, c'est-à-dire ça c'est la récompense du tawhid. Donc après les droits et les compléments, on voit maintenant la récompense du tawhid. Et ensuite il dit le shir, wa imma khabarun an ahli shirk wa ma fa'ala bihim fi dunya min al-nikal wa ma yahul bihim fi al-uqba min al-'adhabi fawa jaza'un man kharaja an hukm at-tawhid fal-Qur'an kulluhu fi at-tawhid wa huquqihi wa jaza'ihi. Donc à partir de là, le shir nous dit aussi que le Coran nous informe des gens de l'associationnisme, des gens du shirk, et il nous informe qu'est-ce qu'il a fait de ces gens-là et qu'est-ce qui les attend comme châtiment dans l'au-delà. Donc ça en fait c'est la rétribution de ceux qui sont qu'ils ont sorti en fait de la loi du tawhid, un hukm tawhid, du statut du tawhid, bien sûr. Donc à partir de là, on voit que tout le Coran est le tawhid. C'est pour ça qu'il dit le shirk, Alhamdulillahi Rabbil Alamin tawhid. Ça c'est du tawhid. Ar-Rahman Ar-Rahim, ça aussi c'est du tawhid. Malik Yawm al-Din, ça aussi c'est du tawhid. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, tawhid. Ihdina as-sirata al-mustaqim, tawhid. Et comment ça c'est tawhid? Parce qu'il comprend en fait la demande. On fait une demande ici à Allah Azzawajal. Donc on avait dit que c'était une invocation, une adoration. Et cette demande-là, c'est le fait de demander à Allah Azzawajal qu'il nous guide sur qui, sur quoi, sur le chemin des gens du tawhid, des gens de ceux qu'Allah Azzawajal les a honorés et leur a donné ses bienfaits. Ça, ce sont les gens, bien sûr, du tawhid. On avait vu les quatre catégories la semaine dernière. On avait vu que ça faisait partie de l'explication du Coran bil Coran, du Coran par le Coran. Et ensuite, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ça en fait, الذين فارقوا التوحيد, nous dit le shir. C'est ceux qui ont dévié du tawhid, qui ont dévié de l'unicité. Et ça, bien sûr, comme on avait vu, c'est les juifs et les chrétiens et ceux en qui ils ont suivi leur chemin. Donc en fait, Surat al-Fatiha, elle comprend quoi? Le tawhid. Elle comprend en fait le tawhid de façon générale et même en détail. Et il nous dit le shir, rahmatullah alayh, il nous dit, lorsqu'on sait maintenant que cette sourate, et comme nous on l'a expliqué, on a détaillé comment apparaissait et comment cette sourate contenait le tawhid, il nous dit le shir, fait que l'on demande la guidance à Allah Azzawajal, cette guidance là qui est en fait, comme il le précise, au-dessus de toute nécessité. Et c'est pour ça, c'est à partir de là, comme il dit le shir, shuri'at qira'atuha fi kulli rak'atin min raka'ati salah. C'est-à-dire, c'est à partir de là que sa lecture, surat al-Fatiha, elle a été légiférée dans toutes les rak'as, dans toutes en fait les unités de prière. Dans chaque unité de prière, on doit en fait lire surat al-Fatiha. Et c'est même en fait, et à partir de là on va entrer dans une question de jurisprudence, c'est en fait un pilier. C'est même un pilier, c'est-à-dire un pilier. Un pilier, lorsqu'on dit un pilier, c'est-à-dire que tout simplement la personne, si elle ne récite pas surat al-Fatiha, alors sa prière est batil. C'est-à-dire sa prière n'est pas acceptée. Si la personne oublie de citer surat al-Fatiha dans sa prière, ou dans, bien sûr dans toutes les unités de prière, alors sa prière n'est pas valable. Et lorsqu'on dit donc rukn, ar-rukn, c'est-à-dire pilier, il faut faire la différence entre ar-rukn wa al-farb, ou al-wajib. Bain ar-rukn wa al-wajib. Que ar-rukn, c'est une chose que l'on doit obligatoirement faire, comme l'obligation. Donc quelle est la différence entre rukn et l'obligation? Tout simplement, rukn, si on l'oublie de le faire, alors notre, ici en l'occurrence, surat al-Fatiha, qui est un rukn, pilier de la prière, alors notre prière ne sera pas valable. Par contre, le wajib, si on oublie de le faire, alors notre prière est valable. C'est la différence entre les deux, au niveau du nisyan, c'est-à-dire au niveau de l'oubli. Par contre, le wajib, comme bien sûr le rukn, si on fait exprès, nata'ammad fi tark al-wajib, c'est-à-dire on fait exprès de délaisser l'obligation, alors à partir de là, notre prière, ici bien sûr en l'occurrence notre prière, ou les autres adorations ne seront pas valables. Donc la différence qu'il y a entre rukn et wajib, c'est que al-wajib, si on l'oublie de le faire par oubli, alors notre adoration sera acceptée. Par contre, rukn, le pilier, si on oublie de le faire, alors même malgré que ce soit un oubli, notre adoration ne sera pas valable. Et c'est le cas en fait de surat al-Fatiha. Et par rapport à ça, le shir, il se base bien sûr sur un hadith qui est connu de la plupart des gens, inshallah, qui est hadith Ubadah ibn Samit. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, c'est-à-dire la salah, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prière. Et lorsqu'on dit la salah, c'est là lesauna kel kamal bel asl salah, c'est-à-dire l'origine de la prière. Ça veut dire tout simplement que cette prière ne sera pas acceptée, la salata, que la prière ne sera pas acceptée pour celui qui ne prie pas ou pour celui qui ne lit pas, fwan liman lam yaqra, celui qui ne lit pas بفاتحة الكتاب, qui ne lit pas avec la surat de l'ouverture du livre. La surat de l'ouverture du livre qui est bien sûr Al-Fatiha. Bifatiha til kitab. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par qui est muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim. Donc à partir de là, les savants ont dit que la lecture de surat Al-Fatiha, c'est un pilier. Ensuite, il va nous rapporter un autre hadith pour appuyer ce qu'il dit le shir, rahmatullah alayhi, le hadith Abi Huraira. An an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man sala salatan lam yaqra fiha bi umm al-Qur'an fa ya khidaj. Il le dit trois fois, fa ya khidaj, فهي خداج. Et le terme khidaj, ça vient en fait, c'est en fait un nuqsan, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complète, qu'elle est incomplète. Et le tafsir, il est venu du prophète lui-même, qala hurayru tamam, c'est-à-dire elle n'est pas complète. Faqila li abi hurayra, celui qui a rapporté bien sûr ce hadith. Ça, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, rahmatullah alayh. Donc ça vient encore appuyer que lorsque la prière n'est considérée comme incomplète, ça veut dire tout simplement qu'elle n'est pas valable. Et c'est comme ça que l'ont compris les savants. À partir de là, il y a quelqu'un qui a demandé à Abu Huraira, qui rapporte le hadith, il lui a dit Inna nakuna wara al-imam, c'est-à-dire nous sommes derrière l'imam. Donc comment on fait? Parce que l'imam, lui, il cite en fait Surat al-Fatiha. Et ça, ici, que ce soit en fait ava'am, c'est-à-dire c'est général, que ce soit à voix haute ou à voix basse. Inna nakunu wara al-imam, c'est-à-dire nous sommes derrière l'imam. Qu'est-ce qu'il dit à partir de la bouhira? Il dit Iqra biha fi nafsik, c'est-à-dire lis-la en toi-même. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. Donc à partir de là, c'est qu'en fait il faut lire sourate Al-Fatiha, que ce soit qu'on soit seul ou qu'on soit derrière l'imam, et que ce soit à voix haute ou que ce soit à voix basse. Et ça, en fait, c'est al-qawl al-rajih, c'est la parole qui est la plus forte à partir de là. Bien sûr, il y a une divergence entre les savants, sans entrer dans les détails. Ala kulli hal. Ensuite, il nous rapporte le hadith. Il va continuer sur le hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Il rapporte un hadith, et à partir de là, comme je vous avais dit la semaine dernière, comme on m'avait demandé, est-ce que al-basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, fait partie de Surat al-Fatiha. Est-ce que ce verset-là, Al-Basmala, qui est considéré comme un verset, bien sûr, est-ce qu'il rentre dans Surat al-Fatiha, c'est-à-dire qu'il fait partie entière de Surat al-Fatiha, ou qu'il est en fait en dehors, qu'il est en fait détaché de Surat al-Fatiha? Sachant que les savants nous disent, même ceux qui voient en fait que ça ne fait pas partie de Surat al-Fatiha, comme l'imam Malik, rahmatullah alayh, et comme aussi c'est l'avis parmi les contemporains de l'imam Al-Uthaymin, contrairement à l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui eux disent qu'elle fait partie de la sourate, qui fait partie entière de sourate Al-Fatiha. À la kulli hal, les savants sont pour dire qu'il faut réciter de toute manière Al-Basmala, même si ceux qui ont dit que, comme l'imam Malik, qu'ils ont dit en fait qu'elle ne faisait pas partie de quoi? De sourate Al-Fatiha. Et à partir de là, à partir de ce hadith, on va s'en rendre compte. Et ça va aussi nous permettre de comprendre de façon générale un peu mieux sourate Al-Fatiha dans son ensemble. قال الله تعالى ونصص الحديث في قدسه سيؤو الله عز وجل المدي قال الله تعالى et ça bien sûr le prophète صلى الله عليه وسلم il nous informe qu'Allah عز وجل il dit قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Et là il faudra bien comprendre et écouter ce qu'on va dire, c'est à dire que Allah عز وجل nous dit qu'il a partagé sa prière ou la prière entre lui et son serviteur en deux parties, نصفين, en deux parties. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, c'est-à-dire pour mon serviteur ce qu'il a demandé. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمَدَنِي عَبْدِي, c'est-à-dire lorsqu'il dit celui qui récite الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, Allah عز وجل qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il a dit mon serviteur m'a fait les louanges. Mon serviteur m'a fait les louanges. الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي, c'est-à-dire que mon serviteur m'a louangé ou m'a fait des éloges lorsqu'il a dit الرحمن الرحيم. طيب فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي, c'est-à-dire qu'Allah عز وجل m'a glorifié مالك يوم الدين. طيب وقال مرة فوض إلي عبدي فوض علي عبدي, c'est-à-dire dans une autre version وقال مرة فوض إلي عبدي, c'est-à-dire فوض, c'est le fait de remettre toutes ses affaires à Allah عز وجل, c'est min bab tafwid, le fait de remettre toutes ses affaires, tout ce qu'on a besoin, etc., tout ce qu'on veut et tout ce qu'on a besoin, et de façon générale toutes les affaires, de les remettre à Allah, de s'en remettre en fait à Allah dans cette vie d'ici. طيب فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. À partir de là, on va rentrer maintenant dans la demande. C'est-à-dire que les trois premiers versets, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, et ensuite Maliki Yawmiddin, ces trois versets en fait sont dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois versets sont dans le droit d'Allah Azzawajal. Ces trois versets, je dis bien. Et on a vu au début que Allah Azzawajal dit Qasamtu salata bayni wa bayna abdi nasfain. Fantabihu. C'est-à-dire que Allah Azzawajal a dit j'ai partagé cette prière entre moi et mon serviteur en deux parties. C'est-à-dire que la première partie fi haqqillah. Al-nasf al-awwal fi haqqillah. C'est-à-dire que la première partie c'est dans le droit d'Allah et la deuxième partie c'est dans le droit de qui? Du serviteur. C'est dans le droit du serviteur. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل. Et au niveau du quatrième maintenant verset, au niveau du quatrième verset, ici on va voir en fait que ce verset il va se diviser maintenant en deux par rapport à quoi? Par rapport aux deux parties qu'on a dit. C'est-à-dire dans la première partie إياك نعبد, c'est toi seul dont nous adorons. Ça rentre maintenant dans le droit de qui? Hein? Dans le droit en fait d'Allah. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ici talab, c'est-à-dire qu'on va demander à Allah Azzawajal on va demander son aide, on va implorer son secours. Donc à partir de là, c'est la demande qui va commencer. Donc on voit que ce verset, ça c'est le quatrième verset, on voit qu'il est partagé en deux. Que la première partie إِيَّاكَ نَعْبُدُ فِي حَقِّ اللَّهِ dans le droit d'Allah. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ dans le droit de qui? Dans le droit en fait du serviteur. C'est le droit du serviteur. Et à partir de là, on va rentrer dans le droit du serviteur. À partir de Riyak Anastarin, on atroul fi haqqil al-abd. Dans le droit du serviteur. C'est pour ça qu'ensuite il roule, qala hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi masala. C'est-à-dire, ça c'est, Allah Azza wa Jalla dit, ça c'est entre moi et mon serviteur, et pour mon serviteur ce qu'il a demandé. Donc ça c'est important. Ça veut dire qu'il y a trois versets et demi, donc on va calculer comme ça, trois versets et demi qui sont dans le droit de qui? D'Allah. Et donc automatiquement il faut qu'on ait trois versets et demi qui vont être dans le droit en fait de qui? Du serviteur, pour en fait comprendre la parole, cette parole là qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn, c'est-à-dire j'ai partagé cette prière là entre moi et mon serviteur deux parties. Et c'est là qu'on va comprendre en fait quelque chose. Fa idha qal ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim waladh-dhallin. Ça c'est pour mon serviteur et pour mon serviteur ce qu'il a demandé. Taïb. Maintenant on a en fait, si on calcule et d'après en fait le taqsim, on a en fait simplement deux versets et demi. وَيَّاكَ نَعْبُدُ, c'est la deuxième partie du verset. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, c'est en fait l'autre verset et ensuite le dernier verset. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول شيخ العثيمين رحمة الله عليه par rapport à ça, يقول الشيخ تقارب السور أو الآيات في القصر وفي الطول هذا أسلم. Il nous dit en fait que au niveau des versets d'une sourate, qu'elles sont en fait équivalentes dans leur longueur, soit qu'elles sont toutes longues ou soit qu'elles sont en fait toutes courtes. Et ici, et ça en fait c'est l'as, ça c'est l'origine. Et ici à partir de là on voit que le dernier verset il est très long. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On voit qu'il est bien plus long que tous les versets qu'ils ont précédés. C'est pour ça que ce verset-là, en fait, il contient en fait deux versets. Et le verset, il se divise en deux versets. C'est tout simplement « Sirat al-ladhina an'amta alayhim » Ça, c'est un verset. C'est considéré comme un verset. « Ghayril maghdoubi alayhim waladh-dhallin » Et ça, en fait, c'est l'autre verset. Donc, à partir de là, après, avec ce taqsim, c'est-à-dire avec cette division qu'on a fait des versets, tout simplement, on voit qu'on a en fait trois versets et demi. Donc on voit exactement que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça va être le premier verset. Pourquoi? Parce qu'après lui, en étant compris, il y aura trois versets et demi jusqu'à Iyaka Na'budu. Et ensuite, à partir de Iyaka Nasta'in, on aura aussi trois versets et demi. Et à partir de là, on va comprendre exactement la parole d'Allah Azzawajal, Qasamtu salata bayni wa bayna abdi nusfayn. C'est-à-dire, j'ai divisé ma prière entre moi, c'est-à-dire fi haqqi dans mon droit, wa bayna abdi, c'est-à-dire fi haqqi al-abd dans le droit du serviteur nusfayn, c'est-à-dire deux catégories. Et donc à partir de là, on comprend en fait que le basmala ne fait pas partie, le fait de dire bismillah ar-rahman ar-rahim, ça ne fait pas partie en fait de surat al-fatiha, et j'espère que vous l'avez bien compris. Donc le shir rahmatullah alayh, ensuite il nous donne l'explication qu'on a donnée à partir de ce de ce hadith et nous explique donc que le surat al-Fatiha comprend dans un premier temps le droit d'Allah et dans un deuxième temps le droit du serviteur. Et il faut savoir aussi que ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quelle est cette sunna? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en conformité avec le Coran et surat al-Fatiha, on voit en fait que lorsqu'on demande quelque chose à Allah, on commence par quoi? Par à lui faire des éloges. Par lui faire des éloges, à le louanger, à le glorifier. Et ça, c'est la sunna du prophète. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait une requête, une demande à son Seigneur, il commençait d'abord par lui faire ses louanges. Et on voit en fait que ça, c'est la méthode du Coran. Et que l'on retrouve cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, pour revenir simplement à une divergence, et pour conclure le sujet qui est en relation avec la jurisprudence, c'est que tous les savants, en fait, ou Al-Jumhur, lorsqu'on dit, bien sûr, Al-Jumhur, c'est la plupart des savants, Al-Jumhur, disent en fait que lire Surat Al-Fatiha, c'est comme on a dit, c'est un ruk, c'est-à-dire c'est un pilier. Il faut que l'on lise Surat Al-Fatiha, c'est indispensable. Et ça, c'est la parole de l'imam Malik, de l'imam Ahmed Kadhalik, de l'imam Shafi'i. Par contre, l'imam Abu Hanifa, ou Madhab Al-Hanafi, c'est en fait le madhab, l'école de jurisprudence des Hanafites, qui disent en fait que ce n'est pas obligatoire de prier ou de réciter surat al-Fatiha. Et en fait, eux, ils prennent comme preuve un verset du Coran et aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est du verset du Coran, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. C'est-à-dire, lisez ce qui vous est facile du Coran. Ma tayassara min al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara min. À la fin aussi du verset ou de la sourate. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Et aussi dans le hadith de Abu Huraira, l'imoussi as-salat, celui qui a mal fait sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit iqra ma tayassara min al-Qur'an. Iqra ma tayassara min al-Qur'an. C'est-à-dire lis ce qui t'est facilité du Coran, ce que tu connais en fait, ce que tu sais du Coran, dont la récitation t'est facile. À partir de là, l'imam Abu Hanifa, istambata, c'est-à-dire il a pris comme avis. D'après le verset du Coran, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, et d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, iqra ma tayassara min al-Qur'an, il dit en fait que tout simplement on peut lire autre que surat al-Fatiha durant les unités de prière et que ce n'est pas en fait une obligation. Simplement le qawl al-rajih, la parole la plus forte bien sûr, c'est la parole des trois imams wal jumhur, c'est-à-dire la plupart des savants, tout simplement avec le hadith qu'on a cité et qui est clair, Minisbati Dilala, par rapport à l'indication de ce hadith, la salat aliman lam yaqra bi fatihatil kitab. Le Cheikh, rahimallah ta'ala, il va ensuite nous donner une faïda, c'est-à-dire il va nous donner une faïda qui est tirée en fait, comme on l'a dit, de la parole de Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiyati. On avait dit la dernière fois que le Cheikh, rahmatullah alayh, il va souvent revenir en fait aux paroles de Cheikh Mohamed Al-Amin par rapport bien sûr à l'explication qu'il a fait du Coran, et on avait vu que c'était son livre appelé Abwa'ul Bayan, c'est-à-dire en fait qu'il a expliqué le Coran par le Coran. Qu'est-ce qu'il nous dit Mohamed Al-Amin rahimallahu ta'ala? Il a pris en fait comme preuve le verset suivant, ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim. Il a pris en fait de ce verset là ou de ces versets-là, comme preuve que, en fait, l'imama, c'est-à-dire que l'imama wal khalifa, khalifatu Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, haq. Tout simplement, il nous dit, en fait, que Abu Bakr, de part, on prend comme preuve, que d'après ce verset, que le calife de Abu Bakr a été un calife qui a été véridique, et qui a été vrai, qui a été à juste titre et à juste droit. Pourquoi? Parce qu'on demande en fait dans ce verset-là qu'il nous guide sur le droit chemin. Et que ce droit chemin, c'est ce dont Allah Azzawajal leur a fait en fait honneur et leur a donné en fait les bienfaits. Taïb. Et on avait vu la semaine dernière, Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, on avait vu en fait que ce verset il avait été expliqué par un autre verset du Coran. Et que ce verset nous avait mis en évidence ces catégories, les catégories de ceux qu'Allah Azzawajal leur avait donné ses bienfaits. Et parmi ces quatre catégories, comme vous vous souvenez tous, As-Siddiqin. As-Siddiqin, c'est-à-dire les véridiques. Walaysa Abu Bakr as-Siddiq, c'est pas, vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur Abu Bakr qu'il était as-Siddiq, qu'il était en fait un véridique. Bi shahadati an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, d'après le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il nous a informé que Abu Bakr c'était un siddiq. C'est pour ça qu'il a été nommé de cette façon-là, ou par ce wasf, par cette caractéristique. Et à partir de là, si on demande, nous maintenant, Allah Azza wa Jalla de nous guider sur le droit chemin, de nous guider sur le chemin de ceux à qui il a donné ses bienfaits. Et donc, après avoir su, d'après le Coran, que parmi ceux à qui il a été fait honneur et à qui il a été fait des bienfaits, ou il a été donné des bienfaits, à Siddiq, on sait tout simplement donc que Abu Bakr était sur le droit chemin. On sait automatiquement, par conclusion, que Abu Bakr était sur le droit chemin. Et s'il était sur le droit chemin, donc son calife, ou l'imama, a été en fait à juste titre et à juste droit. Et une des preuves claires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé à Siddiq, c'est un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik et qui est muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. يقول أنس بن مالك قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم a monté sur la montagne de Uhud, la fameuse montagne de Uhud, celle que les croyants aiment et cette montagne qui nous aime. إلى أحد ومعه, c'est-à-dire que lorsqu'il a monté sur cette montagne, il était accompagné de Abu Bakr, il était accompagné de Omar ou Othman. فرجف بهم فضربوا برجليه. C'est-à-dire qu'elle a commencé à trembler. Elle a commencé à trembler au Uhud au moment où ils étaient dessus. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a tapé de ses pieds sur elle. Fabarabahu birijli. C'est-à-dire qu'il l'a tapé avec son pied. Et qu'est-ce qu'il a dit? Uthbut Uhud. Fama alayka illa nabiyun au siddiq au shahidain. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en fait Uthbut Uhud. C'est-à-dire affermis-toi Uhud. C'est-à-dire arrête de trembler. C'est-à-dire affermis-toi Uhud. Fama alayka. Il n'y a qu'au-dessus de toi un prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Siddiq, et Siddiq ici bien sûr le maqsoud, c'est Abu Bakr. Pourquoi? Parce qu'ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, shahidain, deux shuhada, c'est-à-dire deux martyrs. On sait tous que Omar, il est mort martyr, et que Othman, il est mort également martyr. Donc ça c'est deux martyrs. An-Nabi, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste qui? As-Siddiq. Il l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, As-Siddiq. Donc ça c'est une preuve qui est claire et nette de l'appellation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, As-Siddiq. Et donc à partir de là, on comprend d'après ce verset que Abu Bakr a été sur le droit chemin, parce qu'il a fait partie des siddiqin. Il a fait partie des siddiqin, de ceux qui ont été sur le droit chemin. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Donc ça c'est une faïda que nous donne en fait Muhammad al-Amin. Wa raddun qawi ala shi'a. Et ça aussi c'est une grande réfutation contre les chiites. Taïb, voilà pour ce qui en est en fait de surat al-Fatiha. Maintenant, en fait, on va commencer après cela. Bien sûr, le shir, il va commencer dans l'explication de certains passages des sourates suivantes. Il va commencer par sourate al-Baqarah. Il va commencer par sourate al-Baqarah. Il va d'abord nous dire, le shir, rahmatullah alayh, que sourate al-Baqarah, la vache, elle a commencé en fait par des lettres. Vous savez en fait que sourate al-Baqarah et d'autres sourates ont commencé en fait par des lettres. Par des lettres de l'alphabet arabe. Et il nous informe le shir, rahmatullah alayh. Et à partir de là, on va comprendre. Et ça, en fait, c'est, subhanallah, kalamun jamil. C'est-à-dire une belle parole. Il va nous expliquer, en fait. Il va nous faire part, en fait, de son avis, le shir. Et c'est l'avis, on va voir que c'est l'avis de Shir al-Islam ibn Taymiyyah, que c'est l'avis aussi de al-Mazzi, que c'est l'avis aussi de Zumakhshari, que c'est l'avis aussi d'al-Qurtubi et d'autres encore. Il va en fait nous donner l'avis de ceux qui ont expliqué en fait comment on compte les lettres et pourquoi ces lettres sont venues en début de sourate. Donc il va falloir tout simplement suivre ce qui va être dit. Simplement, tout d'abord, le shir nous cite qu'Allah Azza wa Jal, il a commencé par ces lettres-là, qu'il va nous citer ensuite, Tis'an wa 'ishrin, c'est-à-dire 29 sourates. 29 sourates du Coran, je dis bien 29 sourates du Coran, commencent par ces lettres-là. Et la première des sourates, c'est bien sûr sourate al-Baqarah, qui commence par ces lettres. Ce qu'on appelle bien sûr al-huruf al-muqatta'a. Al-huruf al-muqatta'a, c'est-à-dire les lettres qui sont prises de l'alphabet. Ensuite, il nous dit le shir que ces lettres-là, elles sont de 14 lettres. C'est-à-dire les lettres qui ont été employées dans ces 29 sourates, elles sont au nombre de 14. 14 lettres qui vont être employées pour débuter certaines sourates du Coran qui sont de 29. Et il nous dit le chien en fait qu'on peut les apprendre tout simplement. Il nous dit donc c'est le Sad, wal Lam, wal Ha, wal Sin, wal Ha, wal Ya, wal Ra, wal Alif, wal Mim, wal Nun, wal Qaf, wal Ta, wal Ayn, wal Kaf. Wa Ya arba'atun 'ashr harfan. C'est-à-dire elles sont de 14. Il nous dit on peut les apprendre tout simplement avec une phrase. Nassun hakimun qati'un lausir. Nassun hakimun qati'un lausir. On l'écrira plus tard pour vous rappeler de ces lettres. Il nous dit que la lettre qui était le moins employée, du fait qu'elle ait été employée une seule fois, c'est Al-Kaf. Al-Kaf. Ça, c'est la lettre qui était employée une seule fois. Et elle était employée dans Surat Maryam. Et Surat Maryam, Al-Kaf. Kaf haya amsant. C'est-à-dire le kaf est employé une seule fois, fi surat Maryam. Et que la plus employée de parmi ces lettres, c'est al-mim. C'est al-mim. Pourquoi? Parce que le mim est venu dans 17 endroits du Coran. Ou 17, elle a commencé 17 surat du Coran. 17. Donc la moindre, c'est al-kaf avec une seule surat. Et la plus, c'est al-mim avec 17. Avec 17 passages, c'est-à-dire 17 sourates. Il nous dit en fait que ces lettres-là se divisent en 5 catégories. Celles qui sont uniques, comme As-Sad, Wal-Qaf, Wal-Nun. C'est-à-dire Sad, Wal-Qaf, Wal-Nun, ce sont les lettres qui sont venues uniquement. Donc ce qu'on appelle Ahadiyya, c'est-à-dire celles qui sont venues seules, solitairement. Sad, Wal-Qaf, Wal-Nun. Ensuite, celles qui sont venues par paire. C'est Taha, wa Taasin, wa Yasin, wa Hamim. Taha, wa Taasin, wa Yasin, wa Hamim. Ça, c'est celles en fait qui sont venues en fait par deux, par paire. Celles qui sont venues par trois, Thulathiyan. Wa Yal Alif Lam Mim, comme fi Surat Al-Baqarah, wa Alif Lam Ra, wa Ta, wa Sin, wa Mim. Ta, Sin, Mim. Celles qui sont venues par quatre, quadruples, c'est-à-dire elles sont venues par quatre. Alif, Lam, Mim, Sod. Alif, Lam, Mim, Sod. Et Alif, Lam, Mim, Ra. Alif, Lam, Mim, Sod. Wa Alif, Lam, Mim, Ra. Et celles ensuite, c'est le dernier prisme, dernière division, celles qui sont venues en fait, le Khumasiya, c'est celles qui sont venues par cinq, quintuples. Et c'est Kaf, Ha, Ya, An, Sod. Wa. Ensuite, yani ha mim ain sin wal qaf. Kaf ha ya ra al-ain afwan wa sad. Cinq lettres. Et ça c'est fi sourate celle qu'on avait dit le kaf, c'est fi sourate al-Maryam. Et ensuite le ha, al mim, ain, al-ain, as-sin wal qaf. طيب. À partir de là, le chien maintenant va nous expliquer. Il nous dit en fait qu'elle al-mashhur عند كثير من العلماء في معنى هذه الحروف قولهم الله اعلم بمرادي بذلك. C'est-à-dire en fait que la plupart ou ce qui est connu des savants, ils nous disent en fait que al-murad, c'est-à-dire la signification de la venue de ces lettres, Allahu a'lam, c'est-à-dire Allah azza wa jalla seul sait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné d'explication. Le shir il nous dit ensuite وقد جاء تنويه التنويه بالقرآن بعد ذكر هذه الحروف في جميع السور المفتتحة بالحروف المقطعة إلا في أربع سور. Et là, on va bien comprendre à partir de maintenant la sagesse de cela. Maintenant, le shir en fait, il va commencer l'explication. Il nous dit قد جاء التنويه. والتنويه au niveau de la langue arabe, c'est en fait l'إعلان, التوضيح. C'est le fait de mettre en évidence quelque chose. Le fait en fait de mettre en évidence en fait de faire apparaître au grand jour quelque chose bil Qur'an, c'est-à-dire il nous dit le Coran, c'est-à-dire que à chaque il nous dit le shir tout simplement, et ça on va prendre des exemples et je vais même vous demander de prendre le Coran pour qu'on suive ensemble et qu'on comprenne bien et pour que cela reste ancré. Il nous dit en fait le shir que à chaque fois, et ça je vais l'expliquer donc maintenant, qu'à chaque fois qu'on trouve en début des sourates ces lettres là il y a tout de suite après ces lettres vient en fait une mise en évidence du Coran, et on va voir en fait, on va donner des exemples pour vous comprendre encore plus. C'est ce qu'on appelle la tanwi bil Qur'an, la mise en évidence, la mise en valeur التوضيح الإعلان du Coran. Il dit dans toutes les sourates sauf quatre sourates, qui est sourate Maryam, Al-Ankabut, Ar-Rum ou Al-Qalam, c'est-à-dire Marie, sourate Marie, Al-Ankabut, l'araignée, Ar-Rum, les Romains, Al-Qalam, la plume. Dans ces quatre sourates, Tanwi Al-Qur'an, c'est-à-dire la mise en valeur du Coran, Fi Akhir Maryam ou Ar-Rum ou Al-Qalam, c'est-à-dire le Cheikh nous dit que pour Maryam ou Ar-Rum, les Romains, ou Al-Qalam, la plume, c'est venu, yani Tanwi. La mise en valeur du Coran est venue en fait à la fin de ces sourates. Et pour Al-Ankabut, c'est-à-dire pour l'araignée, elle est venue en milieu, c'est-à-dire en milieu en fait de cette sourate, qui est l'araignée. Donc on voit en fait que toutes les sourates où on trouve après la citation de ces lettres, la mise en valeur du Coran. Et ça, ça va être important parce qu'on va comprendre maintenant pourquoi. C'est à partir de là que les savants, et parmi Ibn Kathir et ceux qu'on a cités, comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Al-Mizzi, وزمخشري المبرد كذلك هذا من علماء اللغة parmi les grands savants de la langue وجم من المحققين et beaucoup de savants qui vont à partir de là expliquer pourquoi. Maintenant on va tout simplement prendre le Coran, chacun de vous va prendre le Coran et on va voir en fait ce que nous, on va appliquer ce que nous a dit le Cheikh, on va se rendre compte de ce que nous a dit le Cheikh. Le premier verset que l'on va prendre c'est ou la première sourate qu'on va prendre c'est Taha. Taha. Donc on voit en fait que Taha, ça a été nommé ainsi, et qu'elle commence en fait par quoi ? Par ces deux lettres. Taha. Donc c'est ce qui vient par la paire. C'est la deuxième catégorie qui vient par paire. Taha. Tayyib. Qu'est-ce qui vient après, tout de suite après ? Maintenant, donc essayez de prenez le Coran. Prenez le Coran et suivez avec. C'est-à-dire, on va vous dire de prendre surat Taha. Et toujours, ce sera le premier verset. Parce qu'elles viennent toujours en début de verset, ces lettres-là. Taha. Yaqul Allah Azzawajal. Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى سبحان الله. Après avoir cité ces deux lettres, qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal? Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute bien sûr Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. On voit ici mise en évidence du Coran, mise en valeur du Coran. Alissa Kadalik, tout de suite après les deux lettres. Ça c'est un exemple. Je vais prendre en fait cinq exemples, tout simplement. Parmi tous les exemples qu'il nous a donnés, ou parmi tout en fait les sourates qui commencent par là. Et on peut les déduire. Il nous a dit sauf quatre. Et il nous a dit au début qu'il y en avait en fait 29 qui commençaient. Donc si on enlève quatre, ça en fait 25. 25 versets, tout de suite après avoir rappelé quoi les lettres, il y a quoi? Il y a la mise en valeur du Coran. 25 sourates. Et après les 4 autres, comme il nous a expliqué le Cheikh, qui sortent en fait de cette règle-là. Taïb, donc je répète, la première c'est Taha, c'est le premier exemple que l'on donne. Ensuite, le deuxième exemple que l'on donne, c'est Sourate Ibrahim. Regardez, ouvrez maintenant le Coran à la Sourate Ibrahim. Ouvrez le Coran à la Sourate Ibrahim pour que vous lisez de vos propres yeux. Yaqul Allah Azzawajal, bien sûr, Alif Lam Ra. Donc il commence, ça ici c'est par 3, hein. Alif, Lam, Ra. Qu'est-ce qu'il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala? Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Subhanallah. Alif, Lam, Ra. Ensuite qu'est-ce qu'il dit Allah azza wa jal? Kitabun, c'est-à-dire voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. Il nous parle de quoi? Il nous met en évidence maintenant, il nous met en valeur le Coran. Encore une fois. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Afin que par la permission de ton Seigneur ou de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Sourate Ibrahim. Qu'est-ce qu'on voit? Après tout de suite la citation des lettres, on voit encore une mise en valeur du Coran. Troisième exemple, Sourate Al-Hijr. Sourate Al-Hijr. Prenez maintenant Sourate Al-Hijr, le premier verset. Alif Lam Ra, pareil. C'est en fait, ça commence comme fi Sourate Ibrahim. Alif Lam Ra, donc c'est les trois, Thulafiyya. Mada yaqul ba'd Allah Azza wa Jal. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra, voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Allah Azza wa Jal, encore une fois, il met en valeur quoi? Le Qur'an, tout de suite après avoir cité les lettres. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Al-Hijr. Et ensuite, l'avant-dernier exemple, ouvrez maintenant le Coran fi surat Luqman. Surat Luqman. Alif Lam Mim. C'est comme ça qu'elle commence surat Luqman. Donc ça aussi, c'est par trois. Alif Lam Mim. Comme en fait surat Al-Baqarah. ماذا يقول بعض الله عز وجل تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين سبحان الله. On voit encore une fois qu'après la citation des lettres, qu'est-ce qu'il dit Allah عز وجل, le sens de la traduction, ou la traduction du sens du verset, voici les versets du livre plein de sagesse, c'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants. Encore une mise en valeur de quoi, du Coran. Et fait cela encore sur les 25 sourates ou les 21 sourates qui restent, ou l'autre sourate, celle qu'on va commencer, le premier verset qu'on va commencer à étudier avec le shir, Valikal kitabu la raiba fi. Valikal kitabu la raiba fi. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Mise en valeur encore du livre. Et ça, c'est après, c'est bien sûr après le premier verset Alif Lam Mim, par lequel a commencé Allah subhanahu wa ta'ala surat al-Baqarah. Donc ça, c'est cinq exemples. À partir de là, on va comprendre maintenant. ماذا يقول الشيخ فيفهم من ذلك الإشارة إلى إعجاز القرآن. Il dit à partir de là, le shir il dit à partir de là, shir Abdel Mohsin, il dit à partir de là, on va comprendre en fait l'ishara, l'indication de quoi, du miracle du Coran, du miracle du Coran. Et comment ça, يقول ووجه ذلك, c'est-à-dire comment on va comprendre cela. أن القرآن مؤلف من الحروف التي يؤلف الناس منها كلامهم ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام. هذا هذه الحكمة. Et ensuite il va nous citer la parole aussi de Ibn Kathir dans son tafsir. Il nous dit le shir, comment donc on comprend que c'est un miracle? Il nous dit en fait que le Coran est constitué des lettres, est constitué des lettres en fait que les gens utilisent dans leurs paroles. C'est-à-dire les Arabes bien sûr utilisaient al-huruf, c'est-à-dire qu'ils utilisaient les lettres en fait de la langue arabe, et que ce Coran est constitué des lettres de la langue arabe. Et à partir de là il nous dit donc wa ma'a dhalik, c'est-à-dire à partir de là, malgré en fait qu'il y a l'ishraq fi nafs al-istirmal al-huruf, c'est-à-dire qu'il y a en fait que comme Allah Azza wa Jalla a utilisé ces lettres, eux ils utilisent aussi, les créatures utilisent, ou les hommes utilisent aussi ces lettres, les Arabes utilisent aussi ces lettres, ils n'ont pas pu en fait venir avec une parole qui est la même parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla, comme vous savez, et c'est min asl i'jaz al-Qur'an, c'est à l'origine du miracle du Coran, c'est qu'il a en fait donné un lancé un défi aux gens, aux créatures, que ce soit les hommes et les djinns, il aura lancé le défi de quoi, de venir avec un seul verset. Et ils n'ont pas pu venir, les gens jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais pu venir, les Arabes, avec un verset comme le Coran. Donc à partir de là, on comprend en fait pourquoi c'est al-hikma, la sagesse, pourquoi en fait ces lettres sont venues en début du Coran, et pourquoi ensuite Allah Azza wa Jalla, à chaque fois, il a mis en valeur le Coran. Et ensuite il cite aussi la parole de Ibn Kathir. ماذا يقول Ibn Kathir. هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. Il nous dit en fait le shir que c'est Ibn Kathir, il nous dit rahimahullah, que lorsqu'elles ont été citées ces lettres dans les premières parties ou au début des sourates, tout simplement pour nous rappeler le miracle du Coran, pour nous mettre en valeur les miracles du Coran. Et comment ça? Parce que c'est-à-dire les créatures n'ont pas eu la capacité de contester ou de venir avec une parole qui va être donc identique à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. Sachant en fait que ces حروف, que ces lettres-là, elles sont constituées, c'est-à-dire ces lettres-là, c'est avec lesquelles ils se parlent entre eux. التي يتخاطبون بها. C'est avec ces lettres qu'ils se parlent entre eux, les gens, les Arabes à l'époque et jusqu'à de nos jours. Et donc à partir de là, on voit donc Irjaz al-Qur'an, le miracle en fait du Coran. Et donc il nous a cité, comme je vous ai dit, que ça c'est l'avis de l'imam al-Razi, al-Mubarrid, kadhalik, al-Qurtubi. Il nous a dit aussi à Zumakhshari. Il nous dit aussi que c'est l'avis de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimullah, et aussi Abu al-Hajjaj al-Mizzi, rahimullah ta'ala. Ça c'est leur avis par rapport à cette question-là, qu'Allah Azza wa Jal est venu ouvrir 29 sourates avec ces lettres-là. Et bien sûr, Ibn Kathir wa yuraji' hadha al-qawl. C'est-à-dire, Ibn Kathir, il voit en fait que c'est cela. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذاب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. C'est-à-dire, il nous, simplement, il fait tarjih. C'est-à-dire qu'il dit Ibn Kathir que c'est vraiment l'avis qui est le plus fort, qui est le plus fort. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et donc on va commencer, inshallah, le premier verset ou l'explication du premier verset. ذلك الكتاب لا ريب فيه. La semaine prochaine, ou plutôt jeudi, bi'idhnillahi ta'ala, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.